Le vice-président du comité des affaires d'État, Choi Ryong-hae, envoyé spécial du dirigeant suprême Kim Jong-un, président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, s'est entretenu le 10 respectivement avec le président vénézuélien Nicolas Maduro Moros, le président bolivien Evo Morales Ayma et le premier vice-président du Conseil d'État de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, venu pour participer à la cérémonie de prise de fonction du nouveau président nicaraguayen. Choi Ryong-hae a transmis les salutations cordiales du maréchal Kim Jong-un envoyées au président vénézuélien et bolivien et au président du Conseil d'État de Cuba, Raúl Castro Ruz. Les dirigeants d'État vénézuéliens et boliviens et le premier vice-président du Conseil d'État cubain y ont formulé leurs remerciements et prié l'envoyé spécial de transmettre leurs salutations sincères ainsi que celles de Raúl Castro Ruz au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le président vénézuélien a affirmé que son pays avancera courageusement par la force conjuguée sur la voie du socialisme tout en rejetant les monnaies des États-Unis qui deviennent de plus en plus ouvertes et s'efforcera toujours en commun avec la Corée pour le socialisme et contre l'impérialisme. Le président bolivien a exalté le gouvernement et le peuple coréen qui s'opposent audacieusement aux impérialistes et souligné que son pays surmontera les difficultés en s'unissant avec les peuples progressistes du monde. En outre, le premier vice-président du Conseil d'État cubain a affirmé que les relations d'amitié établies par les leaders précédents coréens et cubains se développeront toujours en relations de camaraderie sincères et souhaité au respecté maréchal Kim Jong-un santé et plus grand succès dans la direction de la lutte du peuple coréen pour la prospérité du pays.